Octave Mirbeau, tiré des lettres de ma chaumière, agronomie. Monsieur le chat, le fameux monsieur le chat, m'attendait à la gare. « Ah, enfin vous voilà » s'écria-t-il, « ça n'est pas malheureux. »« Oui, dis-je, je suis de parole. »« Bravo, j'aime qu'on soit de parole, moi. Par ici. » Et votre bulletin ? Donnez votre bulletin. Allons, dépêchons-nous de monter en voiture. Avez-vous des bagages ? Non, tant mieux. Par ici. Monsieur le chat saisit un pendant par-dessus, me fit traverser la gare en courant et m'entraîna ainsi jusqu'à sa Victoria, qui stationnait avec une autre voiture sur une petite place plantée d'acacia. Montez, montez, sapristi ! Me cria-t-il. Et s'adressant au cocher, il commanda. Toi, marche et rondement. Et tu sais, si je suis dépassé par un de ces imbéciles, je te flanque à la porte. Au château, allez vite. Les chevaux piaffèrent, dansèrent un instant sur leurs jambes fines, en encensant la tête. Puis la voiture vola sur la route. Agenouillé sur les coussins, penché sur la capote, monsieur le chat surveillait attentivement les autres voitures qui, derrière nous, filaient l'une après l'autre et faisaient de petits nuages de poussière. « Attention !» disait-il de temps en temps au cocher. « Attention, nom d'un chien !» Mais nous marchions grand train, à droite et à gauche. La campagne semblait emportée dans une course folle. Elle disparaissait. Au bout de quelques minutes, les voitures rivales ne furent plus qu'un petit point gris sur la blancheur de la route. Et le point gris lui-même s'effaça. Tranquillisé, monsieur le chat s'assit et poussa un soupir de soulagement. « Je ne veux pas être dépassé, » déclara-t-il, en posant sa grosse main sur mes genoux. « Je ne le veux pas. Comprenez-vous cela ?»« Parbleu, » fis-je. « Si je comprends cela. »« Tiens, vous êtes rond, vous. Bravo. J'aime qu'on soit rond, moi. »« C'est vrai aussi, ils sont là deux ou trois méchants hobereaux, qui n'ont pas seulement 20 000 francs de rente, et qui voudraient lutter avec mes trotteurs. » Regarde, tu permets, regarde mes trotteurs. 18 000 balles, mon vieux, 18 000. Il retourna encore la tête et, n'apercevant plus rien sur la route, il ordonna au cocher de modérer l'allure des chevaux. Monsieur le chat me serra les genoux très fort. Écoute, reprit-il, tu vas voir. Avant-hier, hier, mais ça ne t'ennuie pas que je te tutoie ? Pas du tout, au contraire. Bravo, j'aime qu'on se tutoie, moi. Avant-hier, je revenais de Sainte-Gauburge, par les bois. Le chemin est étroit et praticable seulement pour une voiture. Qu'est-ce que j'aperçois à 40 pas devant moi ? Le duc de la Ferté, un grand serin. Je ne veux être dépassé par personne, surtout par le grand serin du duc de la Ferté. Je dis au cocher, dépasse, nom d'un chien. Il n'y a pas de place, répond le cocher. Alors bouscule et jette-moi duc, voiture, chevaux dans le fossé. Non mais tu vas rire. Le cocher lance ses chevaux, patatras, le duc d'un côté, moi de l'autre, le cocher à 10 mètres dans le taillis, quelle marbelade! Je ne perds pas la carte, prestement, je me remets sur pied, dégage les chevaux, relève la voiture et je passe, pendant que le duc est 4 fers en l'air. Voilà comment je les traite, moi tes ducs! Qu'est-ce que tu dis de cela? C'est admirable, n'est-ce pas? Dame, c'est juste, j'ai 15 millions, et le duc, qu'est-ce qu'il a lui ? À peine 2 pauvres millions. Et les moutons ? Faut-il voir comment j'écrase des moutons ? J'ai aussi écrasé des enfants, 2 enfants de pauvres. Qu'est-ce que cela fait ? Je paye. Et monsieur le chat se frotta les mains. Avec ces manières-là, lui demandai-je, vous devez être joliment populaire dans votre pays. Si je suis populaire ? Tu verras cela aux élections, mon petit. « Sais-tu comment on m'appelle ? » ajouta-t-il en se rengorgeant. « On m'appelle le chat-tigre. »« C'est chic, hein ? » ?»« Miaou, le chat-tigre !» Pendant quelques minutes, les yeux arrondis, les lèvres écartées, hérissant sa maigre moustache, imita grotesquement les chats en colère, puis tout à coup il me dit « Tout ce que tu vois à droite, à gauche, devant toi, derrière toi, tous ces champs, toutes ces maisons, toutes ces prairies, et là-bas, tous ces bois, tout cela, c'est à moi, et encore tu ne vois rien. Je suis sur 3 chefs-lieux de canton, 14 communes, j'ai 677 champs, d'ailleurs Tu verras tout cela sur mon plan, dans les vestibules de mon château. Il faut 22 heures pour faire le tour de ma propriété. 22 heures. Et tu verras tout cela sur mon plan. C'est épatant. Tu verras mes vaches aussi. Mes 57 vaches. Tu verras mes 190 bœufs, cotentins. Tu verras mes viviers. Enfin, tu verras tout. Ah, tu ne vas pas t'embêter. Il se renversa sur le dossier de la Victoria, allongea les jambes, croisa les bras, et, souriant d'un sourire béat, il contempla ses champs, ses prairies, ses bois, ses maisons, qui défilaient, fuyaient derrière nous. Des paysans, en nous voyant passer, levaient la tête, s'arrêtaient de travailler, et saluaient très bas. Mais monsieur le chat n'y prêtait aucune attention. « Vous ne saluez jamais ?» lui dis-je. « Ces gens-là » me répondit-il avec dégoût et en haussant les épaules. « Tiens, voilà ce qu'ils me font faire !» D'un coup de poing, il enfonça son chapeau sur la tête et il hurla férocement. Petit, vif, traîné, les yeux fourbes, la bouche lâche, tel était au physique, Théodule Henri Joseph le chat, de l'ancienne maison Le Chat et compagnie, cuirs et peaux, maison célèbre dans tout l'ouest de la France. Au temps de la guerre, Le Chat avait eu cette idée de génie de fabriquer, pour l'armée, des cuirs avec du carton, des chiffons et de vieilles éponges. Il en était résulté que vers 1872, il se retira des affaires industrielles, décoré dans les jours d'heure, riche en 15 millions, et qu'il acheta le domaine de Vauperdu, afin de se vouer tout entier à l'agronomie, ainsi qu'il disait pompeusement. Le domaine de Vauperdu est un des plus beaux qui soit en Normandie. Outre le château, imposant spécimen de l'architecture du XVIe siècle, et les réserves considérables en bois, herbages, terres arables qui l'entourent, il comprend 20 fermes, 5 moulins, 2 forêts, et des prairies, le tout d'un revenu net de 450 000 francs. Après avoir vendu ses tanneries et ses corroyeries, M. Le Chat vint s'installer à Vauperdu avec sa femme qu'il avait épousée, n'étant encore qu'un pauvre ouvrier, de quoi il se repentait furieusement aujourd'hui. Madame Le Chat, au même degré que M. Le Chat, manquait d'élégance, d'orthographe et de grâce mondaine. Mais sous la robe de soie, et le chapeau à la mode, gauchement porté. Elle était restée la paysanne simple, honnête, de bon sens, d'autrefois. Et Monsieur le Chat, dans sa transformation subite de tanneur en gentilhomme terrien, souffrait beaucoup, quoiqu'il affichât des opinions républicaines très avancées, de l'infériorité sociale de sa femme, et il s'irritait de ce qu'elle marqua trop la décence peuple et le passé de roture. On ne possède pas dans un pays 450 000 francs de rente en terre sans qu'une grande notoriété s'en suive. Le chat était donc le personnage le plus connu de la contrée, étant le plus riche, et ne se passait pas de minutes qu'à 10 lieues à la ronde, partout, on ne parla de lui. On disait « riche comme le chat ». Ce nom de le chat servait de terme de comparaison forcé, d'étalon obligatoire, pour désigner des fortunes hyperboliques. Le chat détrônait Crésus et remplaçait le marquis de Carabas. Pourtant, on ne l'aimait point, et bien que les campagnards s'empressassent de le saluer obséquieusement, tous se moquaient de lui, le dos tourné, car il était grossier, taquin, fantasque, vantard, et très fier, sous des dehors familiers et des allures de bon enfant qui ne trompaient personne. Il avait une manière de faire le bien, tapageuse et maladroite, qui déroutait les reconnaissances et ses charités, inhabile à masquer l'effroyable égoïsme du parvenu. Au lieu de couler dans l'âme des pauvres gens un apaisement, leur apportait la haine, tant elles étaient de continuelles insultes à leur misère. Du reste, trois fois il s'était présenté aux élections, et trois fois, malgré l'argent follement gaspillé, il n'avait pu réunir que 300 voix sur 25 000. Tels étaient les renseignements que j'avais recueillis sur M. le Chat, dont le nom, sans cesse, revenait dans les conversations du pays. Un jour, je l'avais rencontré par hasard. Ce jour-là, M. le Chat ne me quitta pas et me prodigua toutes les vulgarités de sa politesse. Il voulait me recevoir à veau perdu, me faire l'honneur de ses exploitations agricoles. Et comme je prétextais de ma sauvagerie, de mes goûts sédentaires, de mes occupations, « Ta, ta, ta !» m'avait-il dit en me tapant sur l'épaule. « Je vois ce que c'est. Vous ne pouvez me rendre mon hospitalité, hein ? C'est cela qui vous gêne. Eh bien, vous me révendrez cela en parlant de moi dans les journaux. » Le tact exquis de M. Le Chat m'avait vaincu. La voiture roulait sur une large avenue, plantée d'ormes magnifiques, au bout de laquelle, dans le soleil, le château de Vauperdu montrait ses toits inclinés aux arêtes historiées et sa belle façade de pierre blanche et de briques roses. « Ah, nous sommes arrivés, mon vieux !» s'écria M. le Chat. « Eh bien, qu'est-ce que tu dis de mon coup d'œil ?» Un vieil homme à barbe grise, voûté, à la Toussaint, qui, les mains croisées derrière le dos, se promenait sur le perron, de long en large, se précipita à notre rencontre. Respectueusement, il aida M. le Chat à descendre de voiture. « Eh bien, Père La Fontenelle, as-tu été chercher le vétérinaire pour la vache ?»« Oui, Monsieur le Chat. » D'abord, ôte ton chapeau. Est-ce dans ton montre d'apprendre au domestique à parler au maître, la tête couverte ? C'est bien. Et qu'est-ce qu'il a dit, le vétérinaire ? Il a dit qu'il fallait abattre la vache, monsieur le chat. C'est un serin, ton vétérinaire. Abattre une vache de 500 francs. Tu me feras le plaisir, mon père La Fontenelle, de conduire la vache toi-même. Tu entends ? Toi-même, au rebouteux de Saint-Michel. Et tout de suite. Allons, hop, monsieur le comte. Le vieil homme salua et il allait s'éloigner quand le chat le rappela par un pset comme on fait pour le chien. « Je permets, lui dit-il, que tu remettes ton chapeau sur la tête et même ta couronne, si tu ne l'as pas vendu avec le reste. Décampe maintenant. » Et, se tournant vers moi, ce farceur de le chat m'expliqua que le vieil homme était son régisseur, qu'il s'appelait authentiquement le comte de La Fontenelle et qu'il l'avait ramassé, ruiné, sans ressources, pour le sauver de la misère. Oui, mon vieux, conclut-il, c'est un noble, un comte. Voilà ce que j'en fais, moi, de tes comptes. Oh, j'en vois de rude chez moi la noblesse. N'empêche qu'il me doit la vie, ce grand seigneur, hein ? Entrons. Le vestibule était immense, un escalier monumental, orné d'une rampe à balustres, de vieux chênes, conduisait aux étages supérieurs. Des portes s'ouvraient sur des enfilades de pièces, dont on apercevait les meubles vagues, recouverts de housses, et les lustres emmaillotés de gaz métallique. En face de la porte d'entrée, le plan du domaine, énorme carte, teintée de couleurs voyantes, occupait tout un panneau. « Tiens, » me dit le chat, « le voilà mon plan. Mes champs, mes forêts, tu les vois comme si tu te promenais dedans. Ces carrés rouges, ce sont mes 20 fermes. Amuse-toi à regarder, pendant que je vais prévenir ma femme. » Tu sais, ne te gêne pas, hein, regarde tout. Veux-tu te débarrasser de ton chapeau ? À gauche, là-bas, le porte-manteau. Ne te gêne pas. Dis donc, ne va pas te figurer que ma femme soit comme les dames de Paris. C'est une paysanne, je t'avertis. Elle manque d'usage. Vois-tu ça noir ? C'est ma distillerie. Veux-tu t'asseoir ? Ne te gêne pas. Autour de moi, peu de meubles, de grandes armoires d'acajou, des tables, des fauteuils d'osier, des banquettes en cuir et quelques tableaux de chasse, mais sur les armoires, sur les tables, au-dessus des tableaux, partout, des oiseaux empaillés en des attitudes dramatiques qui portaient, pendus à leur col, des plaques de cuivre sur lesquelles étaient gravées des inscriptions comme celle-ci. « Héron royal, tué par Monsieur Théodule le Chat, propriétaire du domaine de Vauperdu, dans sa prairie du Val-Dieu, le 25 septembre 1880. » Je remarquai aussi dans une jardinière de marbre, qui se creusait au bas d'une grande glace, des sabots, des pantoufles, des socs de caoutchouc, tout un pêle-mêle d'objets bizarres et affreux. Le chat ne tarda pas à revenir, accompagné de sa femme. C'était une personne petite, grosse et souriante, qui roulait plutôt qu'elle ne marchait. Elle avait des yeux qui ne manquaient ni de finesse, ni de franchise, et un bonnet immense que surmontaient des fleurs en paquets et dont les brides larges battaient à ses épaules comme des ailes. Madame le chat fit deux révérences et me dit d'une voix un peu rauque « Vous êtes bien aimable, monsieur, bien aimable d'être venu voir le chat. Ah, il a dû vous en raconter des histoires et des histoires, mais s'il ne faut pas faire attention à ce qu'il dit, allez, il n'y a pas de plus grand blagueur, de plus grand espiègle. Ça lui nuit quand on ne le connaît pas. Et dans le fond, il est bien moins mauvais qu'il le paraît. C'est une manie qu'il a comme ça de parler à tort et à travers. Il ne sait quoi inventer, mon Dieu. Quand ça le prend, il va, et il ne s'arrête pas. Le chat balançait la tête, haussait les épaules, et me regardait en clignant de l'œil, sans doute pour m'engager à ne pas écouter les sornettes de sa femme. « Vous avez là, déjà Madame le chat, afin de détourner le cours de la conversation, vous avez là une propriété superbe. » Madame le chat soupira. « C'est trop grand, voyez-vous. Je ne peux pas m'habituer dans des bâtisses si grandes. On s'y perd. Et puis, ça coûte bien de l'argent, allez. » Le chat s'est mis dans la tête de cultiver lui-même. Il ne veut rien faire comme personne. C'est des aventures nouvelles tous les jours. Des machines à vapeur, des expériences. L'argent file avec tout cela. Ce n'est rien que de le dire. Je sais bien que le blé ne se vend pas. Le monde n'en veut plus. Et ce n'est point avantageux d'en récolter. Mais ne voilà-t-il pas que le chat s'est imaginé de semer du riz à la place ? Il dit « Ça pousse bien en Chine. Pourquoi ça ne pousserait pas chez moi ?» Ça n'a point poussé, comme de juste. Et pour tous, c'est la même chose. Un domestique entra. « Eh bien, mon garçon, le déjeuner est-il prêt ? » interrogea-t-elle. Et se retournant aussitôt vers moi, elle me demanda « Vous devez avoir faim depuis ce matin que vous êtes en route. »« Ah, dame, chez nous, vous savez, à la fortune du pot. Parce qu'on est riche, ce n'est point une raison de ne manger que des truffes et de gaspiller la nourriture. Allons déjeuner. Ah, dis donc le chat, ce monsieur boit sans doute du cidre. » « Certainement qu'il boit du cidre !» affirma résolument le chat qui m'entraîna dans la salle à manger, en me répétant tout bas à l'oreille. « Ne fais pas attention à la patronne, elle n'a pas d'usage. » Le déjeuner fut exécrable. Il ne se composait que de restes bizarrement accommodés. Je remarquai surtout un plat fabriqué avec de petits morceaux de bœuf jadis rôtis, de veau anciennement en blanquette, de poulet sorti d'on ne savait quelle lointaine fricassée, le tout nageant dans une mare d'oseille liquide qui me parut le dernier mot de l'arlequin. 5 ou 6 bouteilles de vin, à peu près vides, étaient rangées sur la table, devant le chat, qui, de temps en temps, les égouttait dans mon verre, en ayant soin chaque fois de déclarer qu'il ne débouchait le vin que le dimanche, et seulement en semaine, quand il avait du monde. Abasourdi parce que, depuis une heure, je voyais, entendais, je ne savais en vérité quelle contenance me donner. Devant ces deux pauvres êtres, égarés dans les millions par une inquiétante ironie de la vie, une grande mélancolie m'envahissait, et, en même temps, la puanteur de la richesse malfaisante et sordide me soulevait le cœur de dégoût. À cela venait s'ajouter l'amer sentiment de l'inanité de la justice humaine, de l'inanité du progrès et des révolutions sociales qui avaient pour aboutissement le chat et les 15 millions de le chat. Ainsi, c'était pour permettre à le chat de se vautrer stupidement dans leur volée, dans leur immonde, que les hommes avaient lancé aux 80 des siècles les semences de l'idée et que la rosée sanglante était tombée du haut des échafauds populaires sur la vieille terre épuisée et stérile. Et par la baie ouverte de la salle à manger, qui encadrait comme un tableau, la fuite douce des pelouses vallonnées et les massifs des futaies bleuissantes, il me semblait que je voyais s'acheminer de tous les points de l'horizon les cortèges maudits des misérables et des déshérités qui venaient se broyer les membres et se fracasser le crâne contre les murs du château de Vauperdu. Je restais silencieux. Aucun mot ne m'arrivait aux lèvres. Tout à coup, le chat s'écria. Quand je serai député, oui, quand je serai député, et il acheva sa pensée en faisant tournoyer sa fourchette au-dessus de lui. Sa femme le regarda de l'air de pitié, haussa les épaules à plusieurs reprises. Quand tu seras député, répéta-t-elle, député, toi. Oui, député, tu es bien trop bête. Puis elle me prit à témoin. Je vous le demande, monsieur. Est-ce raisonnable de dire des choses comme ça ? Tel que vous le voyez, il s'est porté 3 fois. Et 3 fois, il n'a pu attraper que 300 voix. J'en aurais eu honte, moi, à sa place, bien sûr. Mais savez-vous que ces 300 voix nous ont coûté ? 600 000 francs, monsieur. Aussi vrai que cette bouteille est là. Oh, je fais le compte, allez, c'est 600 000 francs, et pas un sou de moins. C'est-à-dire que ça remet la voix, l'une dans l'autre, à 2 000 francs. Et il parle de se porter encore. Tenez, vous ne pourriez jamais vous imaginer ce qu'il a inventé à la dernière fête du 14 juillet, comme manifestation, ce qu'il dit. Eh bien, il a fait peindre en tricolore tous les troncs des arbres de l'avenue. Le chat souriait, se frottait les mains, semblait heureux qu'on rappelât de ses hauts faits une de ses idées supérieures, comme il y en sortait quelquefois du cerveau. Il cherchait dans mon regard une approbation, un enthousiasme. « C'est un coup, ça, hein ?» dit-il. « Mais est-ce que les femmes entendent quelque chose à la façon dont on doit mener le peuple ?»« Écoute-moi, mon vieux, cette fois-ci, je serai nommé, et ça ne me coûtera pas un centime. J'ai un plan de combat, tu verras mon plan. Je me porte comme agronome socialiste. Je suis le candidat de l'agronomie radicale. Plus d'armée, plus de justice, plus de percepteurs, je biffe tout cela. Plus de pauvres. Tous propriétaires. Tu verras mon plan plus tard, au moment des élections. Non, mais ce que ça va leur couper la chic au curé, j'oubliais, plus de curé non plus. Car les curés qui m'ont empêché de passer parce que je suis libre penseur, moi, parce que je ne mange pas de leur bon Dieu, moi, haïront avec mon plan de combat les calotins. À ce mot, Madame le chat s'emporta et cria « Tais-toi, je te défends d'appeler les prêtres ainsi et de dire du mal de la religion devant moi. Tu entends ? Mon Dieu, avec lui, c'est pire qu'avec les enfants. Ne croyez pas qu'il soit irréligieux, monsieur, mais quand il se trouve en compagnie, c'est plus fort que lui. Il faut qu'il se vante. Aussi, dès qu'il a le moindre bobo, tout est perdu. Mais vite, vite, un prêtre !» Si on l'écoutait, ce pauvre monsieur le curé serait tout le temps chez nous, en train d'administrer, quoi. Pour dissimuler la gêne où le mettaient les reproches de sa femme, le chat tambourinait sur le bord de sa assiette, suivait au plafond le vol d'une mouche, et négligemment sifflotait un air. Puis il toussa et brusquement changea la conversation. « C'est dommage, me dit-il, que tu ne sois pas venu au château il y a 15 jours. » J'ai dansé le cancan, tu aurais vu, si je danse le cancan, comme à Paris, mon vieux. Et se tréboussant sur sa chaise, il se mit à lancer ses bras en avant et à leur imprimer des mouvements grotesques. « Ah, je te conseille de te vanter encore de cela, » soupira Madame le chat, « car c'est ta faute avec ton cancan, si nous n'avons pas nos chemises. Je vous en fais juge, monsieur. Tous les mois, nous recevons ces messieurs de la ville. Ce sont des messieurs très aimables. » Et leurs dames aussi. Monsieur Gatinel, le conservateur des hypothèques, surtout, est très gai. Ça, c'est vrai qu'il sait faire rire les gens. Figurez-vous qu'il joue du piano avec les pieds, avec le nez, avec tout. Et qu'il en joue très bien. Moi, il m'amuse, monsieur Gatinel. Et puis tout ce qu'il dit est si drôle. Eh bien, ces messieurs étaient donc venus, et leurs dames aussi, il y a 15 jours. Après le dîner, on s'est mis à danser. Une idée, quoi, qui leur avait passé par la tête. Il faisait chaud, si vous vous souvenez, et dame, il suait, c'était affreux de voir comme il suait. On avait pourtant ouvert les fenêtres, mais il y avait un fort orage dans l'air. Et puis, on se tréboussait aussi. C'était gentil. Quand on s'amuse bien, n'est-ce pas, le temps s'en va et on oublie tout. Nous avions oublié l'heure du train. Je me dis, mon Dieu, il va falloir coucher tous ces gens-là. Ce n'est pas une petite affaire. On a beau avoir beaucoup de chambres, c'est les draps souvent qui manquent. Et des draps pour 16 personnes, c'est à en perdre la tête. Tant pis. Enfin, on arrive tant bien que mal à les caser. Seulement, pensez donc, ce n'était pas le tout. Il fallait des chemises aussi à tous ces gens-là. Car vraiment, leurs chemises à eux étaient si mouillées. Si mouillées qu'on aurait dit qu'elles sortaient de la lessive. Le chat prête des siennes aux messieurs. Moi, j'en prête des miennes aux dames. Puis je fais sécher toute la nuit, dans le four, leurs chemises à eux, en me disant qu'ils pourraient bien les remettre le lendemain. Le lendemain, les chemises étaient sèches comme de juste. Mais si vous avez vu cela, elles étaient sales, toutes fripées, de vrais torchons. Il n'y avait pas moyen. Alors le chat, repréta des chemises de jour aux messieurs. Et voilà tout le monde parti bien content. Eh bien, mon cher monsieur, il y a 15 jours de cela. Et il garde toujours nos chemises. Vous direz ce que vous voudrez, moi je trouve que ce n'est pas délicat. On a beau avoir une forte lingerie, c'est que 16 chemises, ça compte dans un trousseau. Le déjeuner était fini. Nous nous levâmes de table et le chat, prenant mon bras, m'entraîna très vite en me disant qu'il allait me montrer ses exploitations agricoles. Et nous partîmes. Débarrassé de sa femme, le chat était redevenu gai, vif, loquace et plus vantard que jamais. Il me supplia de ne pas croire un mot de ce qu'elle avait raconté pendant le déjeuner. Et il m'affirma sur l'honneur qu'il était libre penseur, qu'il ne croyait ni à Dieu ni au diable, et qu'au fond, il se moquait pas mal du peuple, quoique socialiste. Et il me confia aussi qu'il avait une maîtresse à la ville, pour laquelle il dépensait beaucoup d'argent, et que toutes les belles filles de la campagne raffolaient de lui. Ah, la pauvre femme, conclut-il, comme je la trompe, comme je les trompe toutes. Nous visitâmes les étables, les écuries, la basse-cour, et il ne me fit grâce ni d'une vache, ni d'une poule, disant le nom de chaque bête, son prix, ses principales qualités. En traversant le parc, il voulut bien m'apprendre qu'il possédait 12 000 chênes de haute futaie, 36 000 sapins, 25 972 hêtres. Quant aux châtaigniers, et il en avait tant qu'il ne pouvait en savoir le nombre exact. Enfin, nous débouchâmes sur la campagne. Une grande plaine s'étendait devant nous, rase, sans un brin d'herbe, sans un arbre. La terre, unie comme une route, avait été soigneusement hercée et passée au rouleau. Le vent y soulevait des nuages de poussière qui se tordaient en blondes spirales et s'échevelaient dans le soleil. Je m'étonnais de n'apercevoir, en plein mois d'août, ni un champ de blé, ni un champ de trèfle. « Ce sont mes réserves, me dit le chat. Je vais t'expliquer. Tu comprends, je ne suis pas un agriculteur, moi. Je suis un agronome. Saisis-tu bien la différence? Ça veut dire que je cultive en homme intelligent, en penseur, en économiste, et pas en paysan. Eh bien, j'ai remarqué que tout le monde faisait du blé, de l'orge, de l'avoine, des betteraves. Quel mérite y a-t-il à cela? Et au fond, entre nous, à quoi ça sert-il? Et puis le blé, les betteraves, l'orge, l'avoine, c'est vieux comme tout, c'est usé, il faut autre chose. Le progrès marche, et ce n'est pas une raison, parce que tout le monde est arriéré, pour que moi, le chat, moi, châtelain de vos perdus, riche de 15 millions, agronome socialiste, je le sois aussi. En la tête de son siècle, que diable! Alors j'ai inventé un nouveau mode de culture. Je sème du riz, du thé, du café, de la canne à sucre. Quelle révolution! Mais te rends-tu bien compte de toutes les conséquences? Tu n'as pas l'air de comprendre. Avec mon système, je supprime les colonies, simplement. Et du même coup, je supprime la guerre. Tu es renversé, hein? Tu n'aurais jamais pensé à cela, toi. On n'a plus besoin d'aller au bout du monde pour chercher ces produits. Dorénavant, on les trouve chez moi. Vos perdus, voilà les véritables colonies. C'est l'Inde, c'est la Chine, l'Afrique, le Tonkin. Seulement, je l'avoue, ça ne pousse pas encore. Non, on me dit le climat ne vaut rien. De la blague. Le climat ne fait rien à l'affaire. C'est l'engrais. Tout est là. Il me faut un engrais et je le cherche. J'ai un chimiste pour qui j'ai fait bâtir là-bas, derrière le bois, un pavillon et un laboratoire. C'est lui qui cherche depuis 3 ans. Il n'a pas trouvé, mais il trouvera. Ainsi, ce que tu vois là, c'est du riz. Tout cela, c'est du riz. Moi, je crois une chose, c'est que les oiseaux qui ont tassé du blé, depuis le temps qu'ils en mangent, se sont jetés sur le riz et qu'ils n'ont pas laissé un grain. Voilà ce que je crois. Aussi, je les fais tous tuer. Tu peux regarder, il n'y a plus d'oiseau sur ma propriété. J'étais malin, je paye 2 sous le moineau mort, 3 sous le verdier, 5 sous la fauvette, 10 sous le rossignol, 15 sous le chardonneret. Au printemps, je donne 20 sous pour un nid avec ses œufs, et il m'arrive de plus de 10 lieues à la ronde. Si la souche se propage dans quelques années, j'aurai détruit tous les oiseaux de la France. Marchons, je vais te montrer maintenant quelque chose de curieux. et faisant tourbillonner sa canne dans l'air, il se mit à arpenter la rizière à grandes enjambées, se baissant parfois pour arracher un brin d'herbe qu'il rejetait après l'avoir examiné en disant « Non, c'est du chien-dent ». Au bout d'une heure de marche sur la terre poussiéreuse et brûlante, nous arrivâmes devant un vaste champ tout vert qui, partant de la bordure d'une grande route, montait en pente douce jusqu'à la lisière des bois. Et pareil au personnage de la tragédie classique, je demeurais stupide. Sur le fond clair de la luzerne se détachaient en trèfle d'un violet sombre toutes les lettres nettement dessinées qui forment le nom de Théodule le chat. Le nom était non seulement lisible sur la nappe verte, mais il semblait vivant. La brise qui balançait l'extrémité des herbes et les faisait onduler comme des vagues, parfois agrandissait les lettres du nom, parfois les rétrécissait, suivant sa direction et son intensité. Le chat, épanoui, contemplait son nom qui frissonnait, dansait et courait, étoilé çà et là de coquelicots sur la mer de verdure éclatante. Il jouissait de voir ce nom magique étalé à la face du ciel, exposé sans cesse au regard des passants, qui, sans doute, s'arrêtaient devant ce nom, l'épelaient, le prononçaient avec une sorte de crainte mystérieuse. Ravi et charmé, il murmurait tout bas, scandant chaque syllabe, « Théodule le chat, Théodule le chat !» Le visage rayonnant, d'une joie triomphante, il se tourna vers moi. « C'est trouvé, hein ? J'ai fait venir, figure-toi, un jardinier célèbre de Paris pour semer ce champ. Parce que, tu le penses bien, personne ici n'était capable d'un tel tour de force. C'est flatteur, n'est-ce pas, de voir son nom écrit comme ça. On se dit tout de suite en voyant ce nom, c'est pas un œuf au moins celui-là. Et puis, si tout le monde signait ses champs, il n'y aurait plus de contestation dans la propriété. Viens par ici. Nous longeâmes le champ de luzerne, pénétrâmes dans le bois à travers une jeune taille de châtaignier, et comme nous atteignions une large allée, ratissée ainsi qu'une avenue de parc, nous vîmes venir une pauvresse, dont le dos ployé sous le faix d'une bourrée de bois mort. De petits enfants, en guenilles et pieds nus, l'accompagnaient. Le chat devint pourpre. Une flamme de colère s'alluma dans ses yeux et la canne levée. Il se précipita vers la pauvre femme. « Mendiante, voleuse » cria-t-il. « Qu'est-ce que tu viens faire chez nous ? Je ne veux pas qu'on ramasse mon bois mort. Je ne veux pas, misérable vagabonde. Allons, jette ma bourrée. Veux-tu bien jeter ma bourrée quand j'ordonne ?» Il saisit le fagot par la harte qui le liait et le secoua si violemment que la femme roula avec la bourrée sur la route. « Et qu'est-ce qui t'a permis de fouler mes allées de tes sales pieds, dis ? » continua-t-il. « Tu crois peut-être que c'est pour toi que je l'ai fait ratisser, hein ? Mes allées, vieille voleuse ? Veux-tu me répondre quand je te parle ?» La femme, toujours à terre, gémissait. « Mon bon monsieur, je ne vous fais pas de tort. J'avons toujours ramassé le bois, et personne, par charité, ne nous a rien dit. Nous sommes si malheureux. »« Personne ne t'a rien dit ?» riposta le féroce châtelain, en brandissant sa canne. « Est-ce donc que je ne suis personne, moi ? Je suis monsieur le chat. Tu entends ? Monsieur le chat de Vauperdu. Tiens, voleuse, tiens, mendiante !» La canne tombée retombait sur la vieille bûcheronne qui pleurait, se débattait et appelait au secours, pendant que les petits enfants, effrayés, poussaient des cris déchirants. Et l'on entendait, entre des soupirs et des sanglots, la voix de la pauvresse qui disait « Aïe, aïe, vous n'avez pas le droit de me battre, méchant homme. Aïe, aïe, je vous ferai condamner par le juge de paix. Aïe, aïe, je le dirai aux gendarmes. » Le chat, au mot de gendarme, s'arrêta net. Son œil injecté de sang prit une expression subite d'effroi et son visage empourpré, tout à coup, pâlit. Il tira de son porte-monnaie une pièce d'or, la glissa presque suppliant dans la main de la vieille. « Voilà 20 francs, pauvre femme, lui dit-il. Tu vois, c'est 20 francs. C'est beau, 20 francs, hein ? Et puis, tu sais, ramasse du poids tant que tu voudras. Tu as bien vu, dis, c'est 20 francs. Quand tu n'en auras plus, tu viendras m'en demander. Alors, au revoir. Nous rentrâmes au château silencieux. L'heure du départ approchait. Au moment de monter en voiture, le chat me dit « Tu as vu la vieille femme dans le bois ?»« Oui, eh bien, son mari, c'est une voix de plus pour moi aux élections. Qu'est-ce que tu veux ? Aujourd'hui, il faut bien corrompre le peuple. »